Le grain de sable d'Attaque Québec. Aujourd'hui au Grain de Sable, élections fédérales, services publics et les 10 ans du sommet des Amériques. Alors bon vendredi tout le monde, c'est Valérie Blouin qui sera avec vous pour la prochaine heure et je vous souhaite de la bienvenue à l'émission Le Grain de Sable du groupe Attaque Capitale Nationale. Alors, comme vous le savez ou si vous ne le savez pas, c'est une émission qui est préparée par Cédric Leterme et la mise en onde ce soir est assurée par notre camarade Fabien Dubuis. Au programme aujourd'hui, on va commencer avec Cédric Leterme qui va nous parler d'un appel lancé par Attaque Québec et d'autres organismes visant à éviter l'élection du gouvernement conservateur lors des élections fédérales du 2 mai prochain. Ensuite, Renaud Blais viendra vous présenter le détail de la journée de commémoration qui va se tenir demain à Québec pour les 10 ans du Sommet des Amériques. Et puis, en deuxième partie d'émission, c'est Michel Monette et sa chronique « L'État dans tous ses États » qui sera avec nous pour parler des services publics. Beaucoup de choses à évoquer aujourd'hui, comme toujours, mais on commence d'abord en chanson, toujours sur les ondes de CKRL, la radio qui cultive tes goûts. À gauche, à droite, rien. Il faudra regarder les alentours en passant avant de foncer tête baissée droit devant. Bienvenue citoyen, voici le monstre étatique qui fera ta nation, ton pays, sa politique. Mon pauvre esprit de rêve te voilà catapulté au milieu des sondages et du journal télévisé. Overdose de crapules noyées dans leur ramage. Mais où se situer dans tout ce paysage? Mais quand l'empire du pire au cœur de ta cité se mettra à sécher l'âme humaine au fond de son grenier, je sais que tu prendras tes convictions à la main, construisant une assise pour se sentir citoyen. Mais les extrêmes, c'est toi, nana. Que tu ne vas pas. Mais les extrêmes, c'est toi, nana. Bienvenue, novice au marché électoral. A le temps d'aller s'inscrire. Oublier. Trop de travail. Ou qui s'est érigé un de ses principes moraux. De sentir citoyen et de refuser d'aller sur la bataille. Ils doivent se réjouir envahissant le nerf de la guerre. Récoltant le bois. De la bourgeoise à la fermière. Tu n'imagines pas la puissance que tu es. L'histoire, c'est toi. L'histoire, c'est toi qui l'a fait. Alors tu descends dans la rue, combattre la peste brune. Toi qui n'as jamais, jamais pris le chemin vers les urnes. Il est temps de brandir ses convictions à la main, construisant une assise pour se sentir citoyen. Mais les extrêmes, c'est toi, nana. T'es-tu quoi, hein? Quand tu ne votes pas. Mais les extrêmes, c'est toi, nana. Une pierre du barrage, tu sais au moins que tu veux être une pierre du barrage. Alors tu descends dans la rue, combattre la peste brune. Toi qui n'as jamais pris le chemin vers les urnes, il est temps de brandir ses convictions à la main, construisant une assise pour se sentir citoyen. L'autre, c'est toi, nana. Quand tu ne votes pas, mais les extrêmes, c'est toi, nana. À gauche, à droite. Vous êtes toujours à l'écoute du Grain de Sable d'Attaque Québec, donc l'association pour la transaction, la taxation des transactions financières, donc c'est Filiale Québec. Vous venez d'entendre les extrêmes du groupe Trio. Alors, tout à fait à propos, n'est-ce pas? Alors, vous avez sûrement remarqué qu'il y a plein et d'innombrables pancartes qui ont, ma foi, fleuri ou bourgeonné ces dernières semaines, un peu partout en ville et même dans les campagnes. Donc, ne peuvent plus laisser personne dans le doute. Nous sommes bel et bien en campagne électorale à nouveau. Et oui, chers auditeurs, le 2 mai, prochain, nous allons être appelés à nous prononcer pour élire le gouvernement qui fera suite à celui du gouvernement conservateur Stephen Harper. Alors, dans un contexte de désaveu croissant du système politique de la part de la population canadienne, donc rappelons qu'il y a à peu près qu'il y a plus de 40% des électeurs qui n'ont pas jugé utile d'aller voter lors des dernières élections fédérales en 2008. Les sondages indiquent la possibilité pour les conservateurs d'obtenir la majorité parlementaire, qui leur a fait défaut ces cinq dernières années. Alors, un gouvernement majoritaire conservateur. On peut imaginer la chose. Alors, face à cette situation, beaucoup d'organismes se mobilisent, vous ne le savez pas. Donc, pour tenter de contrer cette éventualité, Attaque Québec en fait partie et a lancé un appel officiel à ne pas voter conservateur le 2 mai prochain. Alors, pour en discuter un peu de cet appel et des raisons qui le motivent, on est rejoint par Cédric Leterme, notre fidèle réalisateur et chroniqueur assidu. Bonsoir Cédric. Oui, bonsoir Valérie. Alors Cédric, juste pour que les choses soient claires avant de commencer, Attaque Québec est un organisme non partisan, c'est-à-dire qu'il n'est affilié ou ne soutient aucun parti politique en particulier. Oui. Oui, oui, tout à fait. Ben, t'as raison. C'est important de le rappeler. C'est évident que pour un organisme comme Attaque, rester indépendant des partis politiques, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est même indispensable, d'ailleurs, pour pouvoir mener à bien la mission d'analyse critique et d'information, finalement, que le groupe s'est fixé. Et surtout pour pouvoir le faire avec une certaine crédibilité. Maintenant, une fois que ça s'est dit, c'est évident qu'il y a des partis avec lesquels Attaque partage plus d'affinités que d'autres. Mm-hmm. C'est sûr que Attaque est absolument pas neutre au niveau des principes politiques qu'il défend. C'est un organisme qui se veut résolument progressiste, qui défend un idéal de plus grande justice sociale, de plus grande justice économique, de plus grande justice environnementale aussi. Oui, donc forcément, à ce titre-là, c'est sûr qu'il y a des partis qui correspondent plus ou moins à l'idée qu'Attaque va se faire de la démocratie ou à l'idée qu'Attaque va se faire de ce que devrait être une société juste. Donc, manifestement, à ce niveau-là, l'écart est assez grand avec le Parti conservateur. C'est moins qu'on puisse dire. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer alors pourquoi Attaque Québec lance cet appel à ne pas voter conservateur quand même? Pourquoi eux en particulier? Oui, mais d'abord, je vais peut-être rappeler deux choses. La première, c'est que Attaque n'est pas le seul à faire cet appel-là, à lancer cet appel-là. Il y a beaucoup d'autres organismes et de personnes aussi, il y en a peut-être parmi nos auditeurs probablement, qui estiment qu'un autre gouvernement conservateur, et d'autant plus s'il est majoritaire, ce serait tout simplement catastrophique. Donc c'est pas du tout un constat qui est fait par Attaque tout seul dans son coin parce qu'ils auraient une dent contre Stephen Harper. C'est vraiment un constat qui est partagé par un très très grand nombre de personnes de nouveau et d'organismes, que ce soit environnementaux, sociaux, etc. Donc ça, c'est important de le rappeler. La deuxième chose aussi qu'il faut préciser, c'est que Attaque appelle pas seulement à ne pas voter conservateur, même si c'est déjà évidemment un bon début. Attaque appelle surtout à voter contre les conservateurs, c'est-à-dire qu'ils appellent à une mobilisation, ils appellent surtout les gens à aller voter. À l'heure actuelle, il faut quand même rappeler que les partisans conservateurs sont beaucoup plus motivés que les autres pour aller voter. Mm-hmm. Ils ont l'air beaucoup plus enclins à y aller. Et donc, Parce qu'il y a une bonne chance de... parce que eux estiment que leurs projets peuvent être défendus, etc. Et donc un des meilleurs atouts d'Harper pour l'instant, d'après beaucoup d'analystes, dans le cadre de cette campagne, ça risque d'être l'abstention chez une certaine frange de la population et en particulier chez les jeunes. Donc t'as rappelé les chiffres de l'abstention de la dernière élection, c'est quand même 40%. Considérable. Ouais, 40%, plus de 40% même. Donc il s'agit pas ici de sortir le couplet moralisateur qu'on peut entendre souvent comme quoi c'est notre devoir civique d'aller voter, qu'on a une chance inouïe et qu'il faut s'en montrer digne, être responsable et faire notre devoir de citoyen. Personnellement, je trouve que cet argument-là est profondément hypocrite. Quand on voit ce qui est devenu notre démocratie et ce qu'on en a fait, on peut difficilement reprocher finalement aux gens de pas s'y intéresser. C'est vrai qu'à l'année longue, on fait tout pour que les citoyens s'occupent pas de politique, s'occupent pas de leurs affaires, on n'écoute pas ce qu'ils ont à dire, on les consulte pas. Non. Et tout d'un coup, au moment des élections, on nous sort le couplet de la participation citoyenne, de la grande fête démocratique, comme si cette participation citoyenne-là, ça pouvait se résumer à une élection tous les 4 ans, qui en plus ressemble de plus en plus à un vulgaire concours de popularité, plutôt qu'à un vrai choix entre projet de société. Donc moi, je partage pleinement, en tout cas, le dégoût que beaucoup de personnes éprouvent par rapport à cette situation-là, par rapport à cette évolution-là. Mais ce que je voudrais quand même dire, c'est... Et dans la situation actuelle, et en tout cas c'est le point de vue d'Attaque et de beaucoup de personnes, aller voter, on estime que ça peut faire une différence cette fois-ci parce que justement le Parti conservateur représente une option qui est infiniment pire que n'importe lequel des autres partis, c'est aussi simple que ça. Et donc l'enjeu ici, c'est vraiment de faire en sorte qu'il ne passe tout simplement pas, quoi. Donc tout vote compte. Voilà, tout vote compte, vraiment. Alors pourquoi c'est... Dans le fond, pourquoi c'est quoi les risques exactement là? Donc pourquoi est-ce que ça serait à ce point catastrophique d'avoir un gouvernement conservateur. Oui, mais en fait, d'après moi, il suffit de regarder ce qu'ils ont fait depuis qu'ils sont au pouvoir et puis imaginer de un ce que ça aurait donné s'ils avaient été majoritaires et d'imaginer ce que ça peut donner s'ils sont majoritaires. C'est sûr que là, on rappelle, ils sont minoritaires. Ils sont minoritaires et pourtant le bilan est déjà assez désastreux. Ça fait vraiment froid dans le dos de faire ce constat-là. On peut commencer avec le niveau économique, qui est peut-être le niveau qui concerne le plus les enjeux qui sont spécifiques à attaque. Les conservateurs sont un partisan d'une politique ultra-libérale qui est d'ailleurs précisément celle qui a causé la pire crise économique que le monde ait connue depuis la Grande Dépression. Il faut rappeler que Harper, par exemple, s'était fermement opposé à la régulation des banques canadiennes. Sans cette régulation-là, on aurait probablement été dans la même situation que les États-Unis. Donc ça, c'est un petit peu les choix qui sont défendus par les conservateurs. Ils ont aussi accordé, évidemment, des baisses d'impôts colossales. Ils projettent d'en accorder d'autres, alors que ça fait qu'augmenter les inégalités et qu'en plus, ça ne crée absolument pas plus d'emplois ou ça ne permet pas aux entreprises d'investir plus. Au contraire, elles utilisent cet argent-là pour spéculer. Donc c'est un avantage social qui est absolument nul. Ils ont aussi signé un accord de libre-échange avec le Panama, qui est un paradis fiscal notoire, en plus d'autres accords quand même profondément douteux. Donc au niveau économique, c'est pas fort, on pourrait continuer longtemps, mais on voit en tout cas que c'est des politiques qui profitent finalement qu'à une infime minorité, donc il faut essayer de se mobiliser contre ça. Au niveau international, environnemental, je crois que c'est pas nécessaire de revenir sur leur bilan tellement il est désastreux. Ils ont réussi à transformer le Canada en un des pires acteurs au niveau de la scène internationale en ce qui concerne de la protection de l'environnement, la lutte contre les changements climatiques. Au niveau du respect des droits de l'homme, là non plus c'est pas fort. On a eu les cas de torture en Afghanistan, d'ailleurs qui ont créé un tel scandale que Harper a dû proroger le Parlement pour éviter de continuer à en parler, donc, ce qui montre aussi la conception qui se fait de la démocratie. Il y a aussi eu le cas d'Omar Kader, qui a été proprement scandaleux et qui a montré que le Canada respectait pas du tout ses engagements au niveau international, par exemple en ce qui concerne la protection des droits de l'enfance. Puis évidemment il y a le cas du G20, qui est souvent rappelé, qui a été aussi vraiment terrible, qui a donné lieu à une violation massive des droits fondamentaux, du droit à manifester, du droit à se trouver dans une manifestation et à donner son avis tout simplement. Donc on pourrait terminer aussi sur la politique étrangère, où là les conservateurs se sont alignés complètement sur la politique étrangère américaine, sur les objectifs impérialistes américains, que ce soit en soutien inconditionnel à Israël ou à s'engager dans des politiques guerrières de lutte contre le terrorisme plutôt que de se concentrer sur les causes du terrorisme. On peut rappeler aussi, par exemple, si Harper avait été au pouvoir en 2003, le Canada, à l'heure actuelle, serait très certainement engagé en Irak aux côtés des États-Unis. Mm-hmm. Donc, c'est aussi une bonne façon de montrer que ça a une influence, le vote. C'est-à-dire que si ça avait été un gouvernement conservateur à cette époque-là, majoritaire, on serait en Irak. Donc, c'est sur des enjeux comme ça qu'on voit que voter, ça peut vraiment avoir une influence. Et donc, c'est pour ces raisons-là que Attac appelle vraiment à essayer de tout faire pour éviter qu'on se retrouve de nouveau avec les conservateurs au pouvoir. Tout à fait. Alors, bien, merci Cédric pour ces informations. Et j'invite les auditeurs à continuer de surveiller de près tout ce qui se passe entourant l'élection. Et voilà. Également, il y a des belles surprises parfois qui arrivent dans l'actualité. Alors, on espère que ça pourra aider certains de nos auditeurs à faire leur choix en ce qui concerne le 2 mai prochain. Donc, c'est Renaud Blais qui va nous rejoindre maintenant pour nous parler de la journée de demain en commémoration des 10 ans du Sommet des Amériques. Mais avant, on écoute une pièce musicale. À tout de suite. Je me taire si je veux me taire, crier si ça me plaît. Je vais changer le monde, choisir moi-même mes armes. Quelqu'un quelque part a quelque chose à dire. Quoi faire, je vais faire le contraire. Je vais lire ce que je veux lire, que ça soit caché ou cochon. Je vais changer le monde, choisir mon éclairage. Suis-je entouré de somnambules ou d'abachis? Et moi là-dedans, moi et mes insomnies, je vais jeter l'encre entre les mots et les choses. Je vais changer le monde et rire des grands débats. pourrais changer le monde, choisir moi-même mes armes. Quelqu'un, quelque part, a quelque chose à dire. Changer le monde. Vous êtes toujours au grain de sable sur les ondes CKRL. Vous venez d'entendre Paul Carniello. Donc la musique s'intitule « Qui va changer le monde » et il sera demain à cet événement, donc des 10 ans du sommet des Amériques. Alors Renaud Blais est avec nous en studio à l'instant. Bonjour, bonjour tout le monde. Et oui, alors il va nous parler des activités prévues demain samedi, donc en commémoration des 10 ans du sommet des Amériques. Bonsoir Renaud. Bonsoir Valérie, bonsoir Valérie. Ça va bien? Est-ce que tu es prêt pour demain? Oui, un petit peu fébrile, là, ça arrive enfin. Eh oui, bon. Le alors, grand moment. Qu'est-ce qu'on fait demain? Alors, j'ai pas besoin de revenir pour les auditeurs du grain de sable qu'il y a eu il y a 10 ans un sommet des Amériques à Québec. C'était le 3e. On voulait négocier la zone de libre-échange. Bref, on en a parlé. Mais demain, on veut commémorer cet événement-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a toute une journée de programmation. À partir de 11h, j'en profite pour insister que ça se passe au Parc de l'Amérique française. Même si on ira chercher le monde au Parc de la Francophonie, parce qu'une bonne partie de notre promotion, on avait écrit Parc de la Francophonie, là, c'est à deux coins de rue. Changement de lieu. Parc de l'Amérique française, c'est là que le mur est tombé. Mm-hmm. Puis Parc de la Francophonie, c'est le pigeonnier. Fait que c'est pas là. Bon, bref, c'est pas grave. Mais... tout le monde rendez-vous à 11h. Puis là, j'ajoute, une petite laine, ça fera pas de tort parce que je pense qu'il va faire un petit peu moins soleil qu'il y a 10 ans. Mais bref, il annonce pas de pluie, ça fait que moins il faut se mettre une petite laine de plus. Il y aura une soupe chaude, puis apporter votre complément de repas. Excellent. Pour le dîner, pique-nique, bon. Première étape. Ensuite, on marche ensemble vers l'école Joseph-François Perrault. Ça va faire une marche d'à peu près de 15-20 minutes. Là. Si quelqu'un qui marche, ça se fait en 10 minutes, là, mais vous savez, quand on marche ensemble, on prend un peu plus de temps. Bref, 14h, on a rendez-vous pour différentes activités, comme on a fait pendant au moins un bon 8 mois avant le sommet des Amériques. Là. Toutes sortes de formations sur des thèmes qu'on appelait dans le temps mondialisation 101, mais qu'aujourd'hui, c'est devenu plus détaillé. Chacun son point, son domaine de compétences, puis on est plus spécialisé, dans le fond. C'est bon. Bref, alors, il y en a pour les plus spécialisés, comme je dis, mais il y en a aussi pour ceux qui... Moi, c'est sans mépriser personne, il y a des gens qui sont moins compétents pour parler de libre-échange, par exemple. Mm-hmm. On en parle, mais dans les journaux, dans les médias en général, on précise pas c'est quoi. C'est adorable, c'est beau, fin, gentil, libre-échange, mais on le détaille pas. Bon, moi, par exemple, je vais le faire, moi, la formation mondialisation 101 qu'on appelait, là, libre-échange, par qui, pour qui, bon. Ça, c'est vraiment destiné aux gens qui en savent pas trop long, puis qui veulent s'initier vraiment à ce que c'est le libre-échange, parce que c'est ça qu'on combat fondamentalement. Ça se passe quand, ça, À partir de 14h, à l'école Perrault. École Perrault. Jusqu'à Joseph-François Perrault. Puis la marche, à partir du pique-nique au Parc de l'Amérique française, mène à l'école Perrault. Parfait. Puis pendant l'après-midi, là, il y a comme deux plages horaires, si je peux dire. On a 12 de conférences qui vont se donner sur deux plages horaires. Fait que ça, c'est un peu comme dans un forum social. Là. C'est ça, il faut faire des choix difficiles. Tout à fait. Moi, j'en présente une, puis peut-être deux. Puis j'aimerais bien participer à d'autres, mais bon, mais c'est toujours aussi déchirant, bref. En tout cas, je sais pas si je peux vous faire une petite énumération, j'ai un peu de temps. Bon. Tout à fait. Alors, l'histoire des 10 ans des forums sociaux. Là, on a un panel, puis des gens qui sont allés à différents forums sociaux, que ce soit les forums sociaux mondiaux, des forums sociaux très locaux, d'autres, par exemple, le Forum social des Amériques. Je sais qu'Yves Carrier est allé l'année passée, Pierre y est allé souvent, Isabelle Vallée arrive du Forum social mondial. Les 10 ans des forums sociaux. Ensuite, les mouvements sociaux, accès aux ressources naturelles, l'eau, les mines, le cas de la Bolivie. Exposé et animation, Fernand Dumont, qui vient de Développement et Paix. tous des gens très, très compétents. Mm-hmm. Puis quand je dis compétents, ils connaissent leur sujet puis sont capables de le rendre accessible. C'est deux compétences fondamentales qu'on mesure quand on est dans... On n'est pas vraiment en éducation populaire parce qu'on fait une présentation de gens compétents, mais c'est plus conférence. D'autres fois, comme Bernadette, elle nous disait que c'était une courte présentation, mais c'est surtout une animation sur le choc de la migration. Puis là, même migration, je pense qu'elle va aller plus loin que l'immigration, dans le sens que si on peut être déplacé dans son pays aussi, puis c'est des questions majeures, là, comme on entend quand il y a de la guerre, même si on change pas de pays, on peut être souvent forcé de... Donc, il y aura une conférence sur le choc de la migration? Oui. Ensuite, j'en ai... La créativité engagée là, des artistes du Québec, moyen utilisé par les artistes. Ça, c'est... Par exemple, il y a le Théâtre Forum qui est un exemple de ça. Là. Moi, je suis pas au courant des détails de tout ce qu'ils vont présenter. Mais pour ceux qui connaissent pas le Théâtre Forum, c'est qu'on est... On peut marcher sur le trottoir comme n'importe qui d'autre, puis à un moment donné, on crée la scène de théâtre. Là, parce qu'on improvise pour faire comprendre aux éditeurs. Imaginez-vous si on acte le geste, par exemple, qu'on a une crise cardiaque. Bon, ben là, c'est tout acté. Puis ça crée une situation inattendue dans un milieu où les gens s'y attendent pas du tout. Mm-hmm. C'est ça qu'on appelle le Théâtre Forum. Pour. Puis souvent, ça a évidemment connotation militante selon le point de vue. Bon. Ensuite, on a, Libre-Échange, j'en ai parlé, géopolitique de l'impérialisme, analyse des guerres économiques et militaires actuelles. Là. Ça, c'est une conférence par le co-porte-parole de Québec solidaire de la capitale nationale, Sébastien Bouchard, qui était très impliqué avec nous en 2001. Ensuite, de la domination à la solidarité. Les alternatives en chantier, l'autre Amérique en marche, conférence Victor Ramos. Victor a toujours des super PowerPoints, très recherchés, puis très, très intéressant comme anthropologue. Là. C'est bien une place que je serais allé si je n'avais pas présenté. Bref, je veux pas avoir de préjugés, mais c'est tout très, très intéressant. Moi, mais je suis certain qu'on va se les redonner en d'autres temps, j'en doute, parce que ça pourrait servir quand c'est monté de même. Là. Ben oui. Ensuite, le sommet des peuples, toute l'expérience du sommet des peuples, là, ça va être présenté par quelqu'un du consulat du Venezuela. Mm-hmm. Ensuite, zone grise, projection d'un film, ceux qui veulent... qui ont moins la tendance à assister à une conférence pour écouter des films aussi. Donc, projection d'un film. Claude Vaillancourt, qui est co-président d'ATTAC, qui présente, lui, particulièrement l'accord économique Canada-Union européenne qui se négocie dans notre dos présentement, là, pour dire... Ah oui, il faut le rappeler. Ouais, clairement. Puis, entre autres, les services publics sont souvent... quand on parle de corruption de ce temps-là, puis c'est souvent en question les fameux contrats qui sont donnés par l'État, là. Ben imaginez-vous qu'avec ce projet de libre-échange Canada-Union européenne, la moindre petit contrat public qui vient de la moindre petite municipalité ou de la commission scolaire, ben les entreprises partout en Europe vont pouvoir soumissionner. Puis bon, bref. Puis souvent des filiales de très grandes entreprises. Avec des sièges sociaux, on sait pas où. C'est très simple. Oui, c'est ça. Bon, la chute du mur et l'après-sommet, cycle de protestation, modèle de convergence, lutte... Ça va être sans doute plus carrément anticapitaliste, là, par l'ancien membre de la CASA, Maxime Fortin, professeur de sciences politiques au niveau collégial, sans doute, ça s'annonce comme ça. En tout cas, puis Emilia Castro, la Marche mondiale des femmes. Oui. Elle est responsable de la région de Québec là-dessus, puis je suis certain qu'elle a énormément à dire là-dessus, puis même ça, c'est... Ça, il risque d'y avoir plus d'actualité que de nostalgie dans ça, parce qu'il se prépare quelque chose, là... Dans les prochaines années, il y a des choses très intéressantes. Donc, à suivre aussi. Parce que la Marche mondiale des femmes, comme plein d'autres organismes, il y a eu une marche à un moment donné, mais c'est une institution internationale reconnue maintenant. Ils ont toujours des gros kiosques, des grands rassemblements pendant les forums sociaux, par exemple. C'est très important, le regroupement de la Marche mondiale des femmes, qui n'est plus du tout un rendez-vous. Alors, Robert va aussi présenter... sur les paradis fiscaux, résultat de la mondialisation financière, en conférence et échange, sans doute une partie, ouais, justement, ça le dit, conférence et échange. Alors, des conférenciers et conférences fortes intéressantes. Pour tous les goûts. Et oui, ça semble, ça risque d'être très, très, très intéressant. Ouais. Puis là, c'est pas fini, là. Ça, c'est pour l'après-midi, de 14 à 17h30. Ensuite, il y a un souper communautaire. Puis là, le souper, ben là, contribution volontaire de 5 à 8 $. C'est, je pense que c'est Victor qui va nous servir ses mets latino. Puis, il y avait pas une mise, un lancement officiel de site sur toutes sortes de documents. Bon, ben, je l'ai pas sous le programme, mais il y en a été longtemps question. Peut-être qu'on le rendra pas, mais de toute façon, il y a un site qui va être monté pour accumuler les archives. Éventuellement. Ouais. Du sommet des Amériques. Tout à fait. Tout ce qui s'est passé. Bon, le souper 18h, c'est à l'école aussi où on était. Puis il va y avoir des beaux musiciens. Ouais, après, plus tard, on se déplace au bar Le Bateau de nuit pour participer à un spectacle de contribution volontaire là aussi de 5$. Ou Paul Carniello, dont on a écouté une pièce tantôt, va être là. Normand Narowski, Charlie Foxtrot, Hélène Matt, etc., etc. Alors, en conclusion? Rendez-vous demain, Parc de l'Amérique française, 11h, une petite laine, venez manger une soupe. Il y a des... On commémore le mur qui tombe, là. Il faut se souvenir que le mur est tombé, puis c'est pour ça qu'on est là, au Parc de l'Amérique française. Ça va être présenté... théâtralisé, là. Moi, j'ai pas travaillé particulièrement à ce petit groupe-là, là, mais il risque d'avoir quelque chose de très intéressant. Alors, bien, Renaud, merci. Rendez-vous à ne pas manquer. Oui, infiniment, encore une fois. Alors, on vous invite donc, chers auditeurs, à aller à vous faire plaisir demain au Parc de l'Amérique française. Donc, participer aux différentes activités prévues pour commémorer, c'est ça, donc les 10 ans du Sommet des Amériques, donc qui a eu lieu ici à Québec en 2001. Alors, quant à nous, on se retrouve tout de suite après un peu de publicité pour la suite de l'émission avec Michel Monette et sa chronique « L'État dans tous ses états ». À tout de suite! Chaque vendredi, les soirées du bleu ou noir de CKRL sont présentées par le Bal du Lézard. Un lieu de rencontre culturelle branché art et musique. Un environnement idéal pour refaire le monde en bonne compagnie. Le Bal du Lézard propose aussi des amuse-gueules tels que pizza et hot-dog européens, ainsi que les meilleurs produits de micro-brasserie et une imposante gamme de vodka. Entrez dans la danse du bal avec comme trame sonore les vendredis du bleu au noir à CKRL. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue, 418-529-3829. Jusqu'au 17 avril au Café Théâtre L'Intendant, les productions aux oiseaux de passage en collaboration avec CKRL 89.1 présentent « Il y a de la chanson dans l'air ». Du 5 au 9 avril, pour sa première venue au Québec, Jean Vasca nous propose des mots jetés sur la guitare, avec 24 albums à son actif et 5 grands prix du disque. Du 15 au 17 avril, Anna Prouknal revient en compagnie de Jean Maillan pour célébrer un long parcours d'amour avec le public de Québec. Il y a de la chanson dans l'air jusqu'au 17 avril à l'Intendant, 10 rue des Vaisseaux du Roi, réservation 692-66-66. Plongez dans l'univers des drag queens avec Changing Room. Du 12 au 30 avril, le théâtre Périscope se métamorphose. Sa scène se fait cabaret, ses loges se prêtent aux confidences. Never know how much I love you. Porte d'entrée vers un univers à la fois surprenant et festif, à mi-chemin entre le théâtre et le documentaire, Changing Room vous offre une expérience hors de l'ordinaire. What a lovely way to burn. Changing Room, un docu-théâtre interactif. Une production de Nous sommes ici, en collaboration avec Boréal, présentée en co-diffusion avec le théâtre Périscope du 12 au 30 avril, 20h. Billets disponibles sur Billettech ou au 88-529-2183. Venez à la rencontre de Marie Laberge, Éric-Emmanuel Schmitt, Dany Laferrière, Alain Mabankou et des centaines d'auteurs qui seront présents du 13 au 17 avril au Centre des congrès de Québec. Venez fouiner, fureter, vous divertir. Le Salon international du livre de Québec, c'est le lieu de rencontre rêvé entre les auteurs et les lecteurs. Venez partager vos bonheurs de lecture avec eux. CKRL tient à remercier ses précieux partenaires qui ont contribué à la réussite de son 30e Radioton. La Barberie, la Boîte à pain, le Poisson d'avril, la Caisse de Limoilou, Télé-Québec, la Caisse d'économie solidaire, Première Ovation, Seb's Thé et Lounge, le Musée de la civilisation, le Conservatoire d'art dramatique, la Commission de la capitale nationale, l'OSQ, les éditions Michel Lafond, la SODEC, Sanimax, le Palais Montcalm, l'Épicerie européenne, le Pédalier, le Manoir Victoria, les productions aux oiseaux de passage, l'Ampli et la Ville de Québec, ainsi que tous les commerçants, artistes et bénévoles qui ont fait de cet événement un vif succès. CKRL vous dit... Merci! La soirée du bleu au noir est une présentation du Bal du Lézard. 1049 3e Avenue, 418-529-3829. Le Bal du Lézard. De retour au grain de sable, ici à CKRL 89.1 pour la deuxième partie d'émission. Bonjour Michel. Bonjour. Alors, c'est Michel Monette qui est avec nous pour sa chronique mensuelle, donc l'État dans tous ses états. Alors aujourd'hui, dans votre chronique, vous nous parlez des services publics, donc plus précisément d'une charte mondiale des services publics de qualité. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que cette charte et qui sont les instigateurs de cette initiative? Je dois préciser d'abord que c'est par le biais d'un communiqué de presse du syndicat canadien de la fonction publique que j'ai appris que le conseil des syndicats mondiaux, on va démêler tout ça, là. C'est quand même, ça s'appelle Global Unions en anglais, avait adopté le 25 janvier dernier, donc il n'y a pas si longtemps que ça, cette fameuse charte mondiale des services publics de qualité. Mais avec ça vient un plan d'action international en faveur des services publics accessibles pour tous et à coût abordable. Alors, je vous arrête ici, Michel. Qu'est-ce que c'est que le Conseil des syndicats mondiaux? Le Conseil des syndicats mondiaux, comme je le disais, Global Unions, c'est un regroupement des grandes fédérations internationales de syndicats et de la Confédération syndicale internationale. La Confédération syndicale internationale, c'est 176 millions de travailleurs à travers le monde, 301 organisations affiliées dans plus de 151 pays. Quand même, c'est pas rien. Non, c'est pas rien. J'ai aussi un tableau devant moi des fédérations internationales qui date de 2008 et j'arrive à quelques 158 millions de syndiqués. Il faut préciser par contre qu'il y a des syndiqués, des fédérations internationales qui sont aussi membres de Global Unions. Par exemple, la fédération des enseignants, qui est membre de la CSQ, la fédération de l'enseignement est aussi membre de l'International des services publics, qui est une des grandes fédérations internationales. Donc on retrouve nos syndicats ici. C'est pas 176 plus 158, mais ça fait peut-être autour de 200 millions qui sont de travailleurs donc qui sont représentés. On retrouve de nos syndicats. Oui, tout à fait. La CSN aussi est à la CSI. La CSQ est à la CSI, le Centre syndical international. D'accord. La Confédération syndicale internationale, oui. Alors, est-ce que l'International des services publics est à l'origine de la Charte mondiale des services publics de qualité? J'aurais aimé trouver l'origine de l'idée. J'ai pas trouvé. Parce que c'est une idée qui circule quand même depuis quelques années. Juste rappeler en passant qu'ici, il y a une charte qui a été adoptée par le secrétariat intersyndical des services publics, le CSP, dont fait partie la CSQ, avec le SFPQ, syndicat des fonctionnaires, le SPGQ, syndicat des professionnels du gouvernement du Québec, aussi la FIC, la Fédération des infirmières, la Fédération intersyndicale de la santé, maintenant que ça s'appelle, je crois. Oui. Et la PTS, et c'est une charte donc qui avait été adoptée, des services publics à l'époque qui avait été adoptée. Donc, ça fait quand même quelques années que ça chemine, cette idée-là d'adopter une charte un peu partout. Il y a des campagnes de sensibilisation. Oui, tout à fait, exactement. Et ce que j'ai appris par contre, c'est que le à titre de représentant de l'International des services publics, il y a le président national du SCFP, Paul Moist, qui a présenté le 25 janvier dernier aux membres du Conseil des syndicats mondiaux une allocution sur la campagne Services publics de qualité, passons à l'action. Et cette campagne qui va rassembler les syndicats des secteurs publics et privés dans un effort international pour assurer des services publics abordables et accessibles, abordables donc à coût raisonnable, là, s'il y a des coûts, et accessibles. Et cette campagne-là va être lancée le 26 juin prochain. Pourquoi le 26 juin? Parce que c'est la journée mondiale des services publics. Le 26 juin, chaque année, c'est la journée mondiale des services publics. Et c'est pas la première fois que le mouvement syndical international s'unit pour mettre en œuvre un plan d'action concernant spécifiquement les services publics. Non, là, ça je me permets d'ouvrir déjà une petite parenthèse, là, parce que lieu. Dans ma recherche, j'ai découvert que j'ai lu sur le site d'Attaque France j'ai lu un document qui s'appelait document pour le manifeste d'Attaque 2006. J'ai lu la proposition suivante: arrêt de toutes les privatisations, constitutionnalisation nationale et européenne des espaces non marchands, des services publics et de la protection sociale, élaboration d'une charte mondiale des services publics et de la protection sociale sous l'égide de l'ONU et de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, allant dans le même sens. Alors, on voit que ça fait quand même un bout de temps, finalement, en effet. Circule, cette idée d'avoir une charte. Donc, et pourquoi, dans le fond, pourquoi cette charte mondiale des services publics de qualité? Ben quand on pense à la charte, on pense, il nous vient à l'esprit la charte des droits de l'homme, la charte des droits de la personne. Puis on peut remonter loin dans l'histoire, même quand on parle quand de même, charte, hein? la fameuse Magna Carta, la grande charte d'Angleterre, là, qui date qui a été adoptée en 1215, qui a été signée par le roi Jean Santerre, Quand on fouille sur le web, on constate qu'il y en a une foule de chartes pour toutes sortes d'usages. L'idée, en fait, c'est de se doter d'un ensemble de principes qui vont nous guider dans la protection de droits qu'on juge fondamentaux. Et si je regarde dans le dictionnaire, par exemple, comme définition du mot charte, on retrouve un ensemble de lois et de règles fondamentales. Donc, c'est un peu ça l'idée. On se donne une charte parce qu'on veut se donner des règles, on se veut donner des principes, finalement, qu'on va défendre par la suite, justement. Donc, la charte des services publics de qualité mondiale, des services publics de qualité, établit un certain nombre de principes et il va y avoir une campagne qui va suivre, qui va défendre ces principes-là. Et puis, au Québec? Alors, comme je le disais tantôt, au Québec, il y a le secrétariat intersyndical des services publics qui avait adopté une charte en 2005. Et actuellement, il y a l'Alliance sociale qui fait finalement des campagnes pour défendre les services publics. Et donc, au Québec et un peu partout dans le monde, à Londres, par exemple, on a vu, le 12 mars, je m'excuse, j'ai un blanc, là, mais il y a plus d'un demi-million de travailleurs et de gens aussi de toute provenance qui ont marché dans la rue pour défendre les services publics. Il y a vraiment un peu partout à travers le monde un mouvement, et c'est intéressant de voir que le mouvement syndical mondial finalement a décidé d'agir pour défendre les services publics. Tout à fait. Alors, c'est sûr que c'est un peu normal que les syndicats défendent les services publics. D'abord, il faut dire que il y a plusieurs services publics quand même qui originent d'actions syndicales. Hein. Ce sont les syndicats qui se sont battus pour avoir des régimes de retraite, l'assurance sociale, etc. Toutes sortes de régimes finalement qui vont améliorer les conditions de vie, non seulement des travailleurs, mais de la population en général. Et ce sont eux aussi, les syndicats luttent pour améliorer les conditions de travail de leurs membres. Donc, conditions de travail des membres, conditions de travail de la population en général, 1+1=2. C'est un peu normal, finalement, que les syndicats. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce mouvement-là qui s'est mis en branle et de voir, finalement, que dans les organes internationaux, on a vraiment décidé là de faire quelque chose pour contrer le mouvement actuel qui veut diminuer les services publics, qui veut réduire les services publics et la qualité des services publics. Parce que on peut, sans nécessairement diminuer la quantité de services publics, on peut réduire la qualité des services publics. Tout à fait. Hein? Et il faut être à l'affût constamment pour renverser cette vision un peu néolibérale des choses là. Alors merci Michel. On va s'arrêter ici pour l'instant. Donc après la pause, nous allons poursuivre la chronique L'État dans tous ses états. Alors, qui est axé cette semaine sur la défense des services publics par les organisations syndicales internationales. À tout de suite! Ils vendent les coquillages de bord de mer, comme ils ont vendu l'eau, prêts à troquer leur mère, ces salauds. Ils vendent le sable fin, les algues, et ils conviennent pour s'enrichir de breveter les couleurs et l'oxygène. Ils vendent aux plus offrants, mais n'offrent rien, jamais de cadeau, sauf pour un abonnement de bienvenue à tous leurs idéaux. Ils vendent les hymens de jeunes vierges sur la planète et les mains ouvrières de jeunes enfants analphabètes. Ils vendent tous les combats d'hier, les acquis des grands-pères. Ils vendent ce qu'ils rejettent, tous leurs déchets nucléaires. Ils vendent des dictatures et de l'or noir dans les assiettes, des mètres cubes d'air pur, et ils ont décidé que ça s'achète. Ils vendent même le sacré, le visage des guerriers, les slogans des révolutions en période de promo. Ils vendent les symphonies aux opérateurs de mobiles, aux pays du tiers-monde, ils vendent leurs vieilles automobiles. Ils vendent tous les progrès passés et leurs vieilles maladies, ne dévoilent jamais les secrets de leur belle pharmacie. Ils vendent la solidarité, les pièces jaunes, les grands-mères préfèrent la charité, ont inventé l'humanitaire. Ils vendent coûte que coûte tout ce qui leur coûte et même l'écoute. Vendent tous les engagements, même les mots, leur langagement. Ils vendent à coup de publicité des espoirs sans lendemain au public des cités à qui ils ont lié les mains. Ils vendent la peau de l'homme et bien avant de l'avoir tué, l'ours, le loup et l'orme sont des espèces du temps passé. Ils vendent des marées noires et sacrifient les littoraux. Dans l'arène des gueulards, ils vendent la gonne des taureaux. Ils vendent de vieilles constitutions aussi malades que leur système. Ils condamnent la contestation dans des tribunaux qu'ils enchaînent. Ils vendent depuis toujours le travail des travailleurs. On vend du nos vieux jours des mouroirs comme dernière demeure. Bonsoir. Vous êtes toujours au Grain de sable sur CKRL jusqu'à 18h30, suivi de 100% dynamite avec Jean-Baptiste Duvigneau et Goulvendi. Alors, on était en train de parler service public avec Michel Monette. Alors, revenons maintenant à la Charte mondiale des services publics de qualité. Alors, vous aimiez, dans le fond, c'est quoi les principaux éléments? Essentiellement, je ne vais pas évidemment détailler chacun des éléments de la charte, mais d'abord ça, globalement, parce que oui, quand même, ça, on pourrait passer quelques minutes là-dessus. Mais essentiellement, ce que la charte rappelle, c'est que le développement harmonieux des sociétés, autant les plus riches que les plus pauvres, le développement harmonieux passe par des services publics qui servent la collectivité. Et elle appelle à des services publics de la plus haute qualité et accessibles selon un critère d'équité. Ça, c'est très important ce que vous dites. Hein? Tout à fait, parce que... Parce qu'on a l'impression que c'est le privé, c'est le privé qui est meilleur que le public. Exactement, et on a tendance à critiquer beaucoup aussi les services publics en disant ah c'est fait par des fonctionnaires. Mais au contraire, je pense que d'abord on offre déjà des services de haute qualité, mais il faut continuellement le dire que c'est important que ce soit des services publics accessibles à tous selon un critère d'équité et de très haute qualité. Alors, d'abord, je pense que le premier paragraphe est important et je vais prendre la peine de le lire. On dit, le premier point de la charte, on dit « Des services publics de qualité accessibles à toutes et à tous améliorent la qualité de vie et sont indispensables à la création de sociétés équitables, prospères et démocratiques. Les services sont publics quand ils servent la collectivité plutôt que des intérêts particuliers ou individuels. » Et ils sont de qualité quand ils répondent efficacement aux besoins des personnes. Donc, c'est quand même un principe de base hein? Effectivement, et ça assoit tout le reste de la charte. Par la suite? On veut des services publics accessibles, de plus haute qualité. On veut, on dit un peu plus loin, là, le troisième point, on dit que ça sera pas positif. Ça a des retombées positives, les services publics, mais c'est pas automatique. Donc, il va falloir vraiment que tout le monde œuvre ensemble, ce qu'ils appellent les parties prenantes de la société, là, autant toutes les composantes de la société civile, autrement dit, se mettent ensemble et œuvrent pour une nouvelle vision des services publics. On dit aussi que on réclame un agenda mondial pour des services publics de qualité. On réclame, entre autres, un engagement envers le droit de l'ensemble des citoyens à des services publics universels. J'avais mentionné, si vous vous rappelez, j'avais mentionné quand on avait parlé dans une autre de vos chroniques? Dans une autre de des chroniques là, sur les femmes, sur les droits des femmes, j'avais mentionné l'importance des droits économiques et sociaux finalement pour faire avancer l'ensemble de la société. Alors ça, c'est important que ça repose vraiment sur des droits, que ça respecte les droits finalement des grandes chartes internationales. Et ça, peu importe la situation géographique dans le monde, là, c'est sûr. Oui, c'est vraiment comme mondial aussi. Tout à fait, là. C'est sûr qu'on mentionne que, un peu plus loin, on mentionne évidemment que dans le cas des pays en développement, il va falloir finalement que les pays les plus avancés mettent l'épaule à la roue pour aider finalement à faire avancer à faire avancer la cause, à faire avancer les services publics, à faire avancer non seulement la quantité, mais dans leur cas, la quantité, non c'est seulement la qualité, mais pays, la quantité là, ouais, de pays. C'est tout à leur fait, contexte exactement. Est vraiment leur différent. C'est vraiment différent. Ici, ils ont beaucoup de difficultés, finalement. Il va falloir donner un coup de main pour faire avancer l'éducation, la santé, c'est fondamental. On dit aussi que les syndicats mondiaux vont collaborer entre eux et avec d'autres acteurs pour façonner une culture de qualité dans la prestation de services publics efficaces, abordables, responsables, bien gérés et réactifs aux besoins de toutes les communautés. Oui, tout à fait. Bon, réactif au besoin, aux besoins de la correspondre dans le fond. On soit en mesure finalement d'adapter d'adapter l'offre des services publics en fonction des besoins de toutes les communautés. Je suppose que ça passe ici, par exemple au Canada, pensons juste uniquement aux communautés autochtones par exemple. Bon, on le sait qu'il y a certaines difficultés, alors ça rend des services publics vraiment adaptés aux besoins de ces communautés-là, ou certaines communautés immigrantes par exemple, où c'est plus difficile. Ce que je voulais dire aussi, je suppose que ça passe par la réglementation. Oui. Tout à fait, oui, exactement. Ça passe par la réglementation, ça passe donc parce que les droits doivent être assis sur des lois et sur des règlements aussi qui viennent un peu un peu comme le socle sur lequel vont s'établir des services publics de qualité. Est-ce qu'il y a encore d'autres principes, d'autres caractéristiques essentielles? En fait, c'est pas vraiment un principe, mais c'est on annonce finalement qu'on va mener une campagne pour des ressources publiques adéquates et un engagement d'investissement dans l'avenir des citoyens et des citoyens de la société. Je le disais tantôt, les pays à faible revenu pourraient se retrouver dans l'incapacité de répondre aux besoins de leur population avec leurs seules ressources nationales. Alors, la communauté internationale, ça c'est important, doit les soutenir sur la voie du développement durable, au travers de sources novatrices de financement du développement. Donc, c'est important de ne pas... parce qu'il y a eu la crise financière, parce qu'il y a eu beaucoup de désengagement, finalement, des pays les plus riches. Et crise alimentaire actuellement qui exacerbe la crise que vivent les pays les moins développés. Et il faut absolument que les pays en voie de développement non seulement ne diminuent pas leur soutien au développement, mais au contraire même l'augmentent. Mais je pense qu'il parle même d'une taxe sur les transactions financières internationales. Oui, tout à fait, On mentionne cette idée qu'il faut trouver des nouvelles sources, qu'il faut trouver des sources de financement. Et on a souvent tendance à voir les problèmes actuels comme étant des problèmes de trop grandes dépenses. Mais quand on regarde la réalité des revenus, c'est la réalité finalement, la balance. Il y a toujours deux colonnes. Il y a une colonne des revenus, une colonne des dépenses. Quand on regarde la réalité des dernières années, il y a eu une diminution constante des revenus parce qu'on a constamment baissé les impôts, constamment baissé les taxes. On se retrouve avec des problèmes finalement aujourd'hui qui sont dus au fait qu'on a diminué les revenus dans les pays les plus avancés. L'État ne peut plus subventionner les services. On mentionne au passage dans la charte que le secteur privé peut jouer un rôle complémentaire de celui du secteur public, mais il est indispensable de contenir les dérives du marché pour préserver l'équilibre démocratique et garantir l'égalité des droits et la durabilité. Et ça, c'est intéressant. Je fais un peu allusion à ce dont Renaud parlait tantôt. Renaud Blais, demain, il est question du projet d'accord Canada-Europe, mais il faut se méfier effectivement des dérives du marché. Il faut s'assurer que les droits des citoyens et des citoyens et aussi la qualité des services publics va être préservée à travers ces accords internationaux là, que ça sera pas comme une façon, si on veut, d'amener ce qu'on appelle les dérives du marché là, c'est-à-dire des services publics de moins en moins accessibles ou en tout cas accessibles à un coût plus élevé ou de moindre qualité parce que quand c'est le privé qui l'offre, évidemment, c'est pas la même chose que quand c'est une institution publique qui est tenue de respecter les droits des citoyens. Alors voilà, ça fait un peu le tour de la charte, un peu rapide, mais les gens peuvent la consulter sur le site de la Confédération syndicale internationale, CSI. CSI. Oui, c'est Confédération syndicale internationale. On peut donc par ce biais-là, en tout cas, ou sinon chercher charte mondiale services publics de qualité, ils vont accéder à la charte. On voit vraiment l'importance de ça. ce, oui. de cette charte-là là, dans, actuellement là, pour les sociétés. Tout à fait. Peut-être mentionner que, je l'ai dit tantôt, il y a une campagne mondiale qui va s'enclencher en faveur des services publics de qualité. Donc, on a vraiment un plan d'action avec un certain nombre d'objectifs. Par exemple, amener les services publics au cœur des débats politiques, gagner le soutien public et politique pour élaborer un nouveau programme en matière de services publics, obtenir un financement adéquat, garantir que les services publics de qualité soient abordables, accessibles à tous, favoriser la transparence en matière de financement. Ça, c'est important, hein, toute la question de la transparence. On sait qu'il y a beaucoup de débats ici autour de ça, là, autour entre très actuel, hein? Les PPP, là, les partenariats publics-privés. Exiger des procédures ouvertes et des règles claires. Renforcer le rôle que jouent les citoyens dans les processus démocratiques. Encore là, hein, si on en vient à cette négociation un petit peu derrière des portes closes d'un traité de libre-échange avec l'Europe, on est loin d'un processus démocratique. Et les citoyens sont loin. Là, dans ils ce sont processus très loin, loin effectivement. Même les gens qui sont un peu plus aguerris, qui pourraient suivre ces débats-là, ne peuvent pas le faire. Alors, voilà. Et lutter contre la corruption et lutter contre la tentative répétée de réduire les services publics dans le sillage de la crise financière. Je l'avais mentionné tantôt. Là, on est tenté, finalement, de réduire les services publics. Voilà. Alors, en conclusion, je vais terminer sur une note positive. Oui. J'ai vu ça tantôt avant d'arriver. J'étais content de voir ça. Il y a le directeur général du FMI, Fonds monétaire international, Dominique Strauss-Kahn, qui approuve l'analyse de la CSI sur la montée du chômage et des inégalités qui menacent le monde. Et je vais peut-être lire un petit bout qu'il a dit, Dominique Strauss-Kahn, quand il a évoqué le niveau record du chômage et de l'inégalité. Il a déclaré, alors que nous parvenions juste à dompter l'inflation des années 80, cette décennie devrait être celle du retour au plein emploi, etc. Il a dit que l'emploi et l'égalité sont des piliers de la stabilité et de la prospérité au cœur même de la mission et il appelle finalement il a souligné l'importance de filets de sécurité sociale solides associés à une fiscalité progressive. Alors c'est quand même pas rien là, c'est celui qui est à la tête du FMI qui appelle à une fiscalité progressive. L'investissement dans la santé et l'enseignement et les droits à la négociation collective, notamment dans un contexte où les salaires réels stagnent. Il a aussi évoqué les travaux menés avec conjointement par le FMI et l'OIT, l'Organisation internationale du travail, pour finalement favoriser l'emploi et l'égalité comme étant au cœur de la prospérité. Alors, c'est quand même intéressant de voir qu'un de ceux qui est à le FMI qui a été tant décrié ces dernières années, finalement, appelle avec les privatisations, à une mondialisation un peu plus juste, disons. Excellent. Disons, on pourrait dire les mots comme ça. Oui, quand même, on voit peut-être une perspective plus positive dans l'avenir. Oui, quand même. On le souhaite. Quand même. Alors, Michel, merci beaucoup encore une fois pour cette merveilleuse chronique. Bien, encore une fois, très passionnante et inspirante. Alors, chers auditeurs, c'est déjà tout pour aujourd'hui. J'aimerais remercier Fabien Dubuis qui était à la mise en onde ce soir. Cédric Leterme, évidemment, qui réalise et produit cette émission. Nos fameux chroniqueurs, donc Renaud Blais et Michel Monnette pour leurs interventions. Donc, merci à vous, chers auditeurs, d'être là. On vous rappelle que vous pouvez retrouver nos enregistrements de l'émission via le site de CKRL et aussi celui d'Attaque Québec. Donc, venez faire un tour et également écrivez-nous. Donc, legraindesable@hotmail.com. Alors, c'est déjà tout pour nous. Quant à nous, on se retrouve vendredi prochain à 17h30 pour une nouvelle édition. Alors, d'ici là, restez bien branchés et pourquoi pas aller faire un tour demain à cette journée commémorative des 10 ans des Sommets des Amériques. Alors, mon nom est Valérie Blouin. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine et deux semaines également. Alors, je vous laisse maintenant en compagnie de Jean-Baptiste Duvigneau et Goldwendy avec 100% Dynamite tout de suite après ces quelques publicités. Donc, toujours sur les ondes de CKRL, cette radio merveilleuse qui cultive tes goûts. Juste à côté de la job, y a la tabarne.